ou quand vous montez sur la table avec ça. Vous écoutez ici 100% Let's Dance. Ici. Tous les samedis, 21h minuit. Ici. Sur la route, au travail, à la maison. Ici, Paris-Île-de-France. Actu locale, musique et bonne humeur. Ici. FR David avec Words à l'instant sur votre radio de proximité ici Paris-Île-de-France. Ici, une radio, une appli, au cœur de l'Île-de-France, ici Paris-Île-de-France. Nous sommes le samedi 22 mars, vous écoutez ici Paris-Île-de-France, il est 19h. Un point sur l'actu, les informations maintenant en compagnie de Pierre Emparent. Le Vatican avait promis un geste de la main depuis sa fenêtre de l'hôpital demain pour la prière du dimanche. Finalement, le pape va quitter l'hôpital de Rome où il avait été admis mi-février pour une pneumonie. Le pape François, 88 ans, rentre donc dans sa résidence au Vatican demain où il effectuera une longue convalescence d'au moins 2 mois. Demain, ça fera 100 jours que François Bayrou est à Matignon. Dans une lettre adressée au groupe parlementaire, il dit qu'il veut maintenant s'attaquer aux préoccupations des Français avec 4 chantiers prioritaires d'ici la mi-avril. Éducation, accès aux soins, lutte contre la bureaucratie et contre le déficit. C'était une journée de mobilisation dans toute la France contre le racisme. Aujourd'hui, ils étaient plus de 21 000 dans les rues de Paris, 3 000 à Marseille selon le comptage officiel. Les organisateurs ont compté 3000 participants à Rennes, 1500 à Nîmes, des centaines à Amiens, Perpignan, Auxerre ou Laval. L'an dernier, les acteurs assistants ont bondi de 11% selon le ministère de l'Intérieur. 10 policiers blessés après une course-poursuite tôt ce matin au centre-ville à Paris. Le chauffard avec ses deux passagers a percuté 3 voitures de police après un refus d'obtempérer. Le carambolage a fait 13 blessés. Dans le Nord, une mère de famille de 29 ans tuée à coups de couteau à son domicile en présence de ses deux bébés de 19 et 4 mois. Le mari de 31 ans est en garde à vue. Il a été aperçu hier par les voisins sortant de la maison, les mains ensanglantées. Une très belle entrée en matière pour le 15 de France féminin. Les Bleus remportent leur match d'ouverture du tournoi des Six Nations. Victoire à Belfast face aux Irlandaises 27 à 15. Et puis chez les hommes en top 14, le Stade français a battu Bayonne 31 à 27 cet après-midi. Lyon s'impose sur 20 36-21. Pau bat Montpellier 40-38. Clermont perd à domicile face au Racing 92 qui gagne 23 à 21. Et puis en tennis de table, les frères Lebrun, stars des JO de Paris, Alexis et Félix conservent leur titre de champion de France en double. Les orages gagnent la région parisienne, la Méditerranée ce soir dans une atmosphère exceptionnellement douce. On a relevé 19 à Paris, 21 à Strasbourg cet après-midi. Demain, ce sera plus calme, sauf en Méditerranée où il y aura encore des orages l'après-midi. Le ciel va rester bien couvert, il va pleuvoir ailleurs. Les températures le matin iront de 10 à Belfort jusqu'à 15 degrés à Marseille au réveil. L'après-midi prévoyait entre 10 et 16 degrés, 10 à Brest par exemple, 13 à La Rochelle, 15 à Lille, 17 à Lyon et Ajaccio. L'actu d'ici sur votre mobile, téléchargez l'appli ici. Les conditions de circulation ce soir, Fabien Travoyon. Eh bien, c'est difficile avec la forte pluie qui s'est invitée sur les routes de la région. 275 km de bouchons cumulés à 19h03 pour l'infotrafic en temps réel. Et puis, toujours des accidents à signaler. Le premier à l'est de la région, en Seine-et-Marne. Accident sur l'A104 extérieure, un peu avant la sortie 6 en direction de Bobigny. La voie de droite est neutralisée. À l'ouest de la région, de l'autre côté, dans les Yvelines. Accident sur la N12 en direction de Paris. Un peu après la sortie vers Guyancourt, voisin le Bretonneux, avec une voie de droite neutralisée ici aussi. Et puis un petit peu plus au nord, dans le Val-d'Oise, on a un accident sur la N184 en chaussée intérieure. Au niveau de la sortie vers Saint-Ouen-l'Aumône, Chennevières, soyez vigilants, vous qui circulez dans ce secteur, pensez à réduire l'allure et à augmenter vos distances de sécurité avant d'arriver sur ces différents secteurs problématiques. Ici Paris-Île-de-France, actu local, musique et bonne humeur. Vous êtes bien sur votre radio préférée, ici Paris Île-de-France. Je vous en remercie d'ailleurs. Pour vous récompenser, la musique de Patrick Bruel, Place des grands hommes. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Mais je veux pas être le premier. On n'avait plus rien à se dire, ici, ici. Je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai pas nagé le vent dans. Dernière ligne droite, la rue souffle. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Éric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, je pars toujours pour rien. Allez. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Des bourrasques, comme vous, comme vous. Chaque amour mort à une nouvelle a fait place. Et vous, et vous. Et toi, Marco, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi, François, et toi, Laurence, et toi, Marion. Et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable, les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table. Comme on étale, c'est d'être au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche. Je la suivrai si c'est à droite. Attendez-moi. Attendez-moi. Attendez-moi. Attendez-moi. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on. Des grands hommes, des grands hommes. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Patrick Bruel qui nous emmène place des grands hommes à l'instant sur votre radio ici Paris-Île-de-France. Ici Paris-Île-de-France. Le 17-20. Fabien Trabouillon. Restez bien avec nous. Avant 20h, on aura une nouvelle fois une opportunité de remporter ce repas d'exception en tête à tête dans un restaurant de prestige. Nous allons jouer ensemble. L'infotrafic, toujours toutes les 15 minutes. Et puis, maintenant, on file sur la page Instagram ici par Île-de-France avec une idée de sortie en famille dans la région en compagnie de Clarisse Delezève. On la retrouve à Hyères dans le département de l'Essonne. Les amis, je suis en direct de la maison Caillebotte. La maison Caillebotte est située à Hyères, à 30 km de Paris. Vous allez pouvoir découvrir un musée, mais aussi un parc. Cécile nous dévoile l'origine du parc. Au démarrage, ce parc a été créé par Frédéric Borel, qui était un restaurateur parisien. Et après, ça a été racheté par la famille Caillebotte, qui servait de maison de campagne au temps des travaux de Haussmann à Paris. Alors, Gustave Caillebotte, il a peint 80 toiles ici dans le parc, dont beaucoup sur les périssoires, sur Hyères. Sur la rivière de Hyères. Je suis en train de bronzer au parc Caillebotte. C'est un parc à l'anglaise de 11 hectares en plein cœur du centre-ville de Hyères. On a à peu près 800 arbres. Les amis, c'est une bonne idée sortie à faire ici à quelques kilomètres de Paris. Et oui, ce reportage de Clarisse Delezève est à retrouver en version intégrale et en vidéo sur la page Instagram ici Paris Île-de-France, tout comme de nombreuses autres idées de sortie en Île-de-France d'ailleurs. Et puis, outre les idées de sortie en famille, sur la page Instagram ici Paris Île-de-France, il y a aussi des portraits de personnalités franciliennes hautes en couleur. On suit maintenant Romain Bruno aux côtés de Ludovic, une star des réseaux et du ballet. Il est éboueur et star des réseaux sociaux. Son prénom, c'est Ludovic. Vous l'avez sûrement croisé soit dans les rues de Paris ou alors sur les réseaux sociaux si on prenait de ses nouvelles. Bonjour, je suis Ludovic, le poubelleur des années 2000. C'est un véritable spectacle, je vois ça à chaque fois, les gens qui viennent vous voir. Mais vous allez monter prochainement sur les planches, Ludovic. Bientôt, c'est un one-man show, c'est une autre façon de sensibiliser le monde à une planète propre. Moi, je défends ma planète, pourquoi? Parce qu'on en a qu'une et on est en train de faire n'importe quoi. J'ai une histoire qui m'a touché. On passe dans une rue dans le 12e, et là, il y a un enfant à la fenêtre qui nous fait coucou, et nous, on faisait coucou, et tout ça devenait un rituel. Et là, on voit la porte s'ouvrir. Et t'as l'enfant qui arrive avec son sac en plastique. Et son rêve, c'était de monter sur le marchepied et mettre le sac dans le camion poubelle. Incroyable. Déjà à son âge, sensibiliser. Et oui, c'est important de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la propreté de la planète. Une mission que s'est donnée Ludovic sur les réseaux, mais également donc sur les planches. Prochainement, on va suivre ça de très près. En attendant, vous pouvez retrouver son portrait complet en vidéo sur la page Instagram ICI Paris Île-de-France. À suivre dans un instant votre repas d'exception en tête à tête dans un restaurant de prestige, restaurant étoilé. Ce sera à remporter sur votre radio ICI Paris Île-de-France. Un nouveau coup d'œil sur les routes également. Juste après Damiano David, chanteur de Maneskin, en solo Born with a Broken Heart. Damiano David à l'instant sur votre radio, ICI Paris-Île-de-France. Il est 19h14, ICI Paris-Île-de-France, c'est l'infotrafic en temps réel. 242 km de bouchons cumulés sur les routes franciliennes. Un accident toujours à l'est de la région en Seine-et-Marne sur la 104 extérieure, un peu avant la sortie 6 en direction de Bobigny. La voie de droite est neutralisée. Ne vous laissez pas surprendre, pensez à réduire l'allure avant d'arriver sur ce secteur. ICI Paris-Île-de-France, numéro 1 sur l'infotrafic. Ce week-end, ICI Paris-Île-de-France met des étoiles dans votre assiette. Vous allez pouvoir déguster un repas d'exception pour vous et la personne de votre choix dans un restaurant de prestige. Un moment merveilleux en tête-à-tête, en perspective, autour d'un repas donc d'exception. Pour remporter ce superbe cadeau, vous nous appelez au 01 42 30 10 10. 01 42 30 10 10. Et pendant que vous vous inscrivez, eh bien, on patiente en musique et avec le sourire. Amel Bent qui arrive dans un instant. Même si la chanson s'appelle Triste, on aura quand même le sourire. bien grâce notamment à Cool and the Gang qui sera là juste avant pour Ladies Night. Et puis tout de suite, ce classique de Zazie, c'est Larsen sur votre radio ici par Île-de-France. Et je vous le rappelle, pour remporter ce repas pour deux, le 01 42 30 10 10. Le réveil tous les matins, c'est pareil. Je ne l'entends pas. C'est comme ça. C'est comme tous ces bruits que tu fais courir sur moi. Ça ne m'atteint pas. C'est mieux comme ça. Tant qu'on se parlera sur ce ton, je ferai baisser. Bonne soirée. C'est ici Paris Île-de-France. go, baby. Sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mom. Yeah. Amel Bent, triste sur votre radio, ici Paris, Île-de-France. Nous allons maintenant à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, avec Nelly. Bonsoir Nelly. Bonsoir. À l'inverse d'Amel Bent, vous n'allez pas être triste, j'imagine que c'est même le contraire. Hein. Vous nous avez appelé pour un repas d'exception à tête dans un restaurant de prestige et la première étape est franchie. Vous avez gagné, Anneli, votre place pour le grand tirage au sort final de lundi matin. Ça fait plaisir, ça, non? J'en suis ravi. Oui, ce sera aux alentours de 9h-10 dans Ici Matin avec Grégoire Godefroy. On n'a plus qu'à croiser très très fort les doigts. Rappelez-moi rapidement, Anneli, avant de se quitter, quelle est votre radio de proximité en Ile-de-France? Ici par Île-de-France. Bonne réponse. Je vous souhaite une super bonne soirée. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. Dans un instant, l'humour en tube avec Fred Ballard. Alors, je ne sais pas si vous en avez besoin, mais moi, oui. Elle va nous apprendre à perdre nos petits bourrelets de l'hiver avec le printemps qui est arrivé. Un nouveau coup d'œil sur les routes également. Et puis, le retour à la musique, ce sera avec Richard Cotchiante, le coup de soleil, juste après ça. 2025, votre radio locale s'offre un nouveau nom. France Bleu Paris devient Ici Paris Île-de-France. Fini les 70 km/h, cette décision de la ville de Paris est très contestée et pourtant les premiers bilans sont plutôt positifs. Ici, l'actu local en Île-de-France toute la journée. Le chiffre le plus marquant, c'est le taux d'embouteillage qui a diminué de 20% selon l'étude. Ici, le média qui vit comme vous. Ici. À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie. Une santé plus fragile, des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org. Ici, Paris-Île-de-France. Dès votre réveil, actu locale, musique et bonne humeur. D'amour, un coup, je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets des photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver. Je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la tête en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je veux faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je mets du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Et tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Et tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Non, non. sais pas comment pour que je me rappelle. Et si j'en rêve, tant pis. J'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. La la la. La la. Richard Coach chante avec le coup de soleil sur votre radio ici Paris-Île-de-France. 19h32, ici Paris-Île-de-France, l'infotrafic en temps réel, 187 km de bouchons cumulés sur les routes franciliennes, ça diminue enfin, ça a été un petit peu compliqué aujourd'hui. Toujours quelques accidents à signaler à l'est de la région, notamment en Seine-et-Marne sur la 104 extérieure, accident un peu avant la sortie 6 en direction de Bobigny, la voie de droite est neutralisée. Et puis à l'ouest de la région, dans les Yvelines, on a un accident sur l'autoroute A12 entre Fontenelle-Fleury et Rocancourt en direction de la capitale, soyez vigilants, les deux voies de gauche ont été fermées à la circulation. Ici Paris-Île-de-France, actu locale, musique et bonne humeur. Et on poursuit ce samedi soir en musique avec Julien Clerc qui nous présente sa métisse d'Ibiza, j'ai nommé Mélissa. Mélissa. D'accord. Mélissa, métisse d'Ibiza, vit toujours dévêtue. Jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Le matin derrière ses canis, alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Mélissa, y a tout plein d'inconnus. Descendez, ça c'est défendu. Oh, c'est indécent. Elle crie, mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue. En zoom en gros plan, tout un tas d'individus, film noir et blanc. Mélissa métisse d'Ibiza, assez ça tout pointu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Descendez, ça c'est défendu, matez chez les gens. Elle crie, mais bien entendu, y a jamais d'argent. Temps perdu, personne ne l'entend. La police est tout dévendue, disant qu'elle attend. Mélissa métisse d'Ibiza a toujours sa vertu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Jamais que je vous ai dit ça, je vous ai jamais vu. Le matin derrière ces canis, alors je vends des longues vues. Mais si jamais Mélissa c'est ça, là c'est moi qui vous tue. Claire avec Mélissa sur votre radio ici Paris-Île-de-France. Ici Paris-Île-de-France, le 17-20, Fabien Trabouillon. Allez, on reste à vos côtés avec un dernier point trafic à venir d'ici 5 à 10 minutes. Avant 20h, Nicolas Lespol nous racontera l'histoire du tube de Michel Polnareff, Goodbye Marilou. Et puis maintenant que le printemps est là, eh bien comment faire pour perdre nos petits bourrelets de l'hiver? C'est la question que s'est posée Fred Ballard. Et elle a mis l'humour en tube pour tenter de nous affiner le cuisseau. Pendant 10 jours, j'ai fait comme j'aime, tu sais, avec la publicité à la télé, comme j'aime, comme j'aime, comme j'aime. Moi, j'ai dit, je le fais. 10 jours, j'ai pris 6 kilos. Et alors, c'est tout le problème avec les régimes. Hein. Parfois, ça ne marche pas, surtout quand on prend le nom du régime au pied de la lettre. Ziz n'est pas très contente hein, des premiers résultats sur la balance. C'est vrai que commencer un régime de printemps en prenant 6 kilos, c'est qu'il y a un petit loup quelque part. Pourtant, j'ai fait comme j'aime. Le lundi, le couscous, le mardi, la paella, le mercredi, les lasagnes, le jeudi, le cassoulet. Non, puis après, j'ai laissé tomber, je me suis reprise en main, là, et j'ai fait 5 fruits, 5 légumes. 5 fruits, 5 légumes, c'est le seul régime qui marche. D'abord, ils te disent 5 fruits, 5 légumes, tu peux pas les manger. Regarde, moi, depuis ce matin, j'ai mangé 4 pastèques, il n'y a plus rien qui rentre. Voilà, bah, rien ne vaut hein, le retour d'expérience pour les régimes de printemps. Ne suivez peut-être pas tous les conseils d'Oziz en matière de nutrition. Pour dégommer les bourrelets, raclette et tartiflette idéalement, bah, il faudrait lever le pied sur le gras et le sucre. Hein, donc, tout ce qui est bon, en fait. Pourquoi c'est pas le céleri qui fait grossir? Moi, je peux me passer de céleri. Hein. Tout le monde peut se passer de céleri. J'ai encore jamais vu quelqu'un passer devant un étal de céleri et faire « Oh mon Dieu !» J'ai une envie incontrôlable de me faire un potage avec tout ce céleri. C'est vrai que si on inversait les colonnes des aliments caloriques, ça serait tellement plus agréable. Hein. 3 éclairs et 2 quignamans par jour pour perdre 2 tailles de pantalon. Le rêve de Yann Guillarme et de tous les dodus. Mais sinon, pour perdre du bidon, bah, faut se bidonner. Hein. Ça marche hyper bien et ça mange pas de temps. Et ça, c'est la recette idéale. Hein. Donc pour gagner la ligne, pour garder la ligne, l'humour en tube avec Fred Ballard sur votre radio locale ici Paris-Île-de-France. Avant de jeter un nouveau coup d'œil sur les routes de la région, place à la musique de Santa. Recommence-moi sur votre radio de proximité. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout je remettrai l'onde sur mes paupières, je te sourirai sans larmes et sans prières. Et s'il ne reste plus rien, oh, du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, tourne, tourne, ce sera la nôtre. Et si le temps change, moi, Santa, à l'instant sur votre radio, ici Paris-Île-de-France. Il est 19h41, ici Paris-Île-de-France, c'est l'infotrafic en temps réel. 151 km de bouchons cumulés sur les routes de la région. Et attention, au nord-ouest de la région, dans le Val d'Oise, on a un accident sur la N184 en chaussée intérieure au niveau de la sortie vers Saint-Ouen-l'Aumône-Chennevières. Ne vous laissez pas surprendre, vous qui circulez dans ce secteur. Ici Paris-Île-de-France, numéro 1 sur l'infotrafic.

danses comme dans des couloirs. Tu t'arranges pour éviter les miroirs, mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. Et toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant, personne. Faudrait que t'arrives à en parler au passé. Faudrait que t'arrives à ne plus penser à ça. Faudrait que tu l'oublies. Dis-toi qu'il est de l'autre côté du pôle. Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Tu comptes les chances qu'il te reste. Un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Y'a des couples qui se défont sur les lames de ton plafond. C'est toujours le même film. Francis Cabrel, encore et encore sur votre radio de proximité, ici Paris-Île-de-France. Ici Paris-Île-de-France, le 17-20. Bonsoir Nicolas Lespol, notre collecteur du jour raconte une histoire d'amour à distance entre Michel Polnareff et une certaine Marie-Lou. Absolument, un collecteur qui nous rappelle que bien avant Internet, les Français pouvaient entretenir des relations virtuelles grâce au Minitel. Des années 80, les ennuis fiscaux de Michel Polnareff ne sont pas soldés et comme il vient de changer de maison de disque, il doit rapidement écrire un album. Pour trouver l'inspiration, le chanteur a besoin de s'extraire du luxe de son quotidien et de se replonger dans ses racines françaises. Alors il trouve refuge à Fontenay-Trésigny, une petite commune de Seine-et-Marne, où il passe plusieurs semaines dans une modeste chambre louée aux Trois Vallées, le bar tabac en face de l'église. Dans cette immersion, le chanteur va à la rencontre de ceux qu'il nomme les gens normaux qui vivent une vie simple et vraie. Grutier, employé des ponts et chaussées, ouvrier agricole, Polnareff est en contact direct avec son public. Certains l'invitent même à la maison. Un jour, chez l'un d'eux, Michel repère un petit clavier à pile. Quand il pose ses doigts sur l'appareil, comme dicté par une force divine, la mélodie qui en sort est exceptionnelle. Collector. Quand j'ai caressé son nom sur mon écran, je me tape Marie-Lou sur mon clavier. Plus tard, lors de sa rencontre avec l'auteur Jean-René Mariani, Polnareff avoue qu'il pourrait chanter le bottin que ses fans l'aimeraient encore. Mariani retient la formule et se met au travail d'écriture. Mais à cette époque, les bottins ont été remplacés par le Minitel. Qu'importe, sa chanson racontera une histoire d'amour virtuel par écran interposé. Goodbye. Bye. La suite s'écrit à Paris. Polnareff vient d'emménager à l'hôtel Royal Monceau, où il rencontre Tracy Nelson, la fille du chanteur Ricky Nelson, l'interprète du tube planétaire Hello Mary Lou, sorti en 1961. En écho à ce coup du hasard, Michel intitule sa chanson Goodbye Mary Lou, dont toutes les voix seront, grâce à un quart régie, enregistrées à l'Aquarius, le bar du Royal Monceau. À sa sortie, le public qui attendait impatiemment un nouveau titre de Polnareff fait un triomphe à Goodbye Mary Lou, qui devient numéro 1 du top 50, et dès lors, un collecteur qui met tout le monde d'accord. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra qu'elle trouve un rendez-vous. Message électrique, antenne électronique. Je reçois sur mon écran tout son roman. On s'approche en multi et je la tire en duo. Après, ok, elle me code ma vélo. Son nom sur mon écran. Je me tape Marie-Lou sur mon clavier. Quand elle se déshabille, je lui mets avec les doigts. Message reçu, ok, code Marie-Lou. Goodbye, Marie-Lou. Goodbye. by Marilou, Michel Polnareff dans 100% Collector ce soir. Et notez que vous retrouvez 100% Collector en écoute et en podcast sur l'appli ICI. À 20h, vous avez rendez-vous avec la playlist d'Albin de la Simone. En attendant, on repart en musique avec Pascal Obispo, Notre-Dame et la France, sur votre radio locale, ICI Paris, Île-de-France. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France. Les sanglots de Verlaine, Hugo et ses souffrances, Valjean, Quasimodo, misérable martyr. J'ai préféré partir sans jamais revenir. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France, abandonner Van Gogh au tournesol de Vence, les hallucinations à Saint-Rémy-l'Absinthe, ajouter des couleurs à la lumière éteinte. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la danse, du boléro de Ravel, roulement sans dissonance. Et plutôt que m'essayer à d'autres originalités, j'ai fermé le piano et avaler la clé. J'ai fini par quitter Notre-Dame toute haute et laisser Vincent, François, Paul et tous les autres, Auguste à Louis Lumière, mon cinéma d'avant, remis à Delon et signoré à Notre-Dame et l'enfance, sa liberté chérie, les rois, les présidences, tout ce qui était nous, trois couleurs d'un drapeau. Je vous salue Marie, amour à mes héros. J'ai fini par aller quand d'autres s'impatientaient, voir ailleurs si on savait à aimer et laver nos blessures dans un bain de jouvence, sans jamais oublier Notre-Dame et la chance d'avoir eu dans la vie cette correspondance, car je sais qu'il n'y aura jamais plus beau que la France. Je sais qu'il n'y aura jamais plus beau que la France. Pascal Obispo avec Notre-Dame et la France sur votre radio de proximité, ICI Paris, Île-de-France. Dans un instant, vous avez rendez-vous sur votre radio préférée pour la playlist d'Albin de la Simone. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain. Et si vous êtes consentant, je vous embrasse. ICI, une radio, une appli. Au cœur de l'Île-de-France, ICI Paris Île-de-France. Vous écoutez ICI, il est 20h. ICI, le Crédit Mutuel donne le la à la musique. ICI, les artistes font la programmation. C'est la playlist de Albin de la Simone. Bonsoir, c'est Albin de la Simone, il est 20h et on écoute ma playlist. Il y a des moments importants dans la vie dont on se souvient, les attentats du 11 septembre par exemple, on sait où on était, on peut tous dire où on était le 13 novembre. Je sais où j'étais quand j'ai entendu la première note de la chanson Malaxe. J'étais dans un café avec ma sœur, on entend ça et d'un seul coup on se sent paralysé par cette espèce de brume qui monte dans le café. et d'atmosphère chaude et très ronde, et la voix de Bachung arrive. C'était le premier morceau qui est sorti de l'album Fantaisie Militaire et il augurait d'un très bel album. Entre tes doigts, l'argile prend forme. L'homme de demain sera hors norme. Un peu de glaise avant la fournaise qui me durcira. Je n'étais qu'une ébauche au pied de la falaise, un extrait de roche sous l'éboulis. Dans ma cité lacustre aboyait des fadaises. Malax, le cœur de l'automate. Malax, malax, les omoplates. Malax, le thorax. Ici de toi, ici de moi, on s'est hissé sur un piédestal. Et du haut de nous deux, on a vu. Et du haut de nous deux, on a vu. Des calculs mentelés dans ta bouche à piquer. J'ai pas compté, j'ai escompté. Mais une erreur de taille s'est glissée. J'y suis resté. Malax, le cœur de l'automate. Malax, malax, les omoplates. Malax, le thorax. Ici de toi, ici de moi, on s'est hissé sur un piédestal. Et du haut de nous deux, on a vu. Et du haut de nous deux, on a vu. Alex. Voilà, on commence ma playlist en douceur avec Malax d'Alain Bachung, ici. Et on enchaîne avec Alain Souchon, « La vie ne vaut rien ». Cette chanson, j'y ai beaucoup participé avec Renaud Létang, qui est réalisateur. On a arrangé cette chanson alors que j'allais partir en tournée 3 mois plus tard avec Souchon. En tant que musicien, j'étais son pianiste potentiel, c'est-à-dire j'allais être son pianiste. Et ma première rencontre a été la présentation de la première version de « La vie ne vaut rien ». Et Alain a fait « Oh, ok, super, très bien, il est parti ». Il a appelé Renaud Létang pour lui dire que ça lui plaisait pas du tout. Et j'ai vraiment, je me suis dit « Ok, voilà, je suis en train de rater la rencontre avec le plus grand chanteur de ma vie. Et je pars en tournée dans 3 mois et c'est la catastrophe ». Le lendemain, on a travaillé une nouvelle version, la version que vous allez entendre. Et heureusement, elle lui a plu. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hashish fumeurs, et il a dit: vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mets-moi quand je tiens, tiens. Mets-moi quand je tiens. Là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon âme. L'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes. Quand je tiens, tiens, mets-moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis rien, rien, rien, rien ne vaut la vie. Il a vu manque d'amour. Manque d'argent comme la vie c'est détergent et comme ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Et il a dit ah, la vie ne vaut rien. Quand je tiens, tiens, mets-moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis. C'est La vie ne vaut rien, Alain Souchon, ici. Ici, découvrez tous les coups de cœur de Albin de la Simone. C'est sa playlist. On continue dans ma playlist avec une chanson que j'ai découverte grâce aux plateformes, aux systèmes d'écoute et d'algorithmes qui n'ont pas que des désavantages. J'ai entendu cette chanson d'un dénommé Claude, jeune chanteur, et j'en suis tombé accro. Et ça tombe bien parce que la chanson s'appelle Addiction. Je sais pas grand chose de plus sur ce Claude, mais je trouve cette chanson super. J'ai peur si tu restes. J'ai peur de tes gestes qui disent qu'on avance ensemble. J'ai peur de tes lèvres qui m'embrasse pour la millième fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'ai peur de l'appartement, car il crie faut voir plus grand. Mais c'est quoi plus grand? Moi je suis à mon maximum. Tout s'additionne, tout s'additionne. J'ai peur du temps qui trace et nous deux c'est la mesure la plus précise de nos vies qui rétrécissent. J'ai peur des vêtements que l'on se prête de temps. Petite nostalgie pour la drum and bass de ma trentaine. C'était vraiment le style à la mode fin des années 90, début 2000. Et là, Claude, qu'on vient d'entendre, s'en inspirait pas mal sur la fin de la chanson. C'était Addiction. Ici, vous écoutez la playlist de Albin de la Simone. On continue avec Dick Annegarn. Quand j'étais petit, j'habitais à la campagne dans une maison assez retirée, dans un village lointain. Et mes parents avaient des amis qui leur ont présenté un ami parisien qui arrivait avec une cassette d'un chanteur hollandais qui vivait en Belgique, j'ai rien compris. Mais en tout cas, c'était Bruxelles, la chanson, et c'est devenu un énorme tube. Nous, on est devenus aussi très accros à ça. Bruxelles, de Dick Annegarn. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour aigrit. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête. C'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt, je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu, sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit. Voici maintenant une chanteuse islandaise qui a un nom italien et qui a chanté une chanson dans Le Seigneur des Anneaux, la chanson de Gollum, qui a fait un premier album qui a un petit peu passé inaperçu, puis un deuxième qui a mieux marché, puis le troisième, dont on entend un extrait, a été un carton, notamment en Allemagne, bizarrement. Donc tout ça est très européen. Cette chanteuse, j'en suis tombé fou. Et je l'ai contactée et il se trouve que c'est une personne formidable. J'ai enregistré un duo avec elle en 2013 qui s'appelle Moi Moi. Mais là, on écoute sa chanson Jungle Drum. Ici, Albin de la Simone fait sa playlist. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Kiss, kiss, kiss. J'adore la fraîcheur d'Emiliana Torini et de cette chanson Jungle Drum. Ici, vous écoutez la playlist de Albin de la Simone. C'est marrant parce que ça s'enchaîne très bien avec la chanteuse suivante que j'ai découverte, elle aussi, au hasard des plateformes d'écoute musicale. J'ai entendu cette chanson que j'ai adorée immédiatement. J'ai découvert que cette chanteuse qui s'appelle Ibadet Ramadani, qui est très inconnue chez nous, habite à Berlin, a fait un album qui est vraiment un des plus beaux albums que j'ai écouté. Cet album, je crois qu'il porte juste son nom, mais la chanson Pink Balloon en est extraite. Voilà, c'est vraiment l'album que j'ai le plus écouté de l'année dernière, certainement et probablement de l'année prochaine. It was a hot day, 31st of May. When the drum beat stopped and the choir started, I would do it all again if I had the chance before I part from here. One big pink balloon flying. Of June, when the choir stopped and the drum beat started again, beyond a cloudy ceiling, a bright star sings a lullaby for us to reconcile. First of May, when the drum beat stopped and the choir started. Vous voyez ce que j'ai pu aimer chez Ibadet Ramadani. J'ai tellement aimé sa musique et ses chansons, sa voix, que pendant toute ma tournée précédente, à chaque concert, avant que le public, enfin pendant l'entrée du public et avant que je commence à chanter, c'était son disque que je mettais en boucle. Et mon tourneur, mon producteur, m'a fait une surprise incroyable pour le dernier concert au Trianon. Il a contacté secrètement Ibadet Ramadani et il lui a proposé de venir. Et elle a débarqué sur scène avec moi pour chanter une de mes chansons préférées. Bien sûr, elle m'a prévenu quand même. Enfin, elle n'est pas arrivée. Mais je veux dire, c'était une surprise et un cadeau de mon tourneur. Je l'ai rencontrée comme ça. On a chanté ensemble et le public a... J'aime bien cette expression québécoise. Le public a capoté. Et moi aussi. Ici, Albin de la Simone fait sa playlist. La chanson Champagne, elle est incroyable. Elle est... Quand on est enfant, pré-ado, c'est encore plus fou parce qu'on comprend pas tous les mots. J'ai mis très longtemps à comprendre ce qu'il racontait, mais je la connaissais par cœur phonétiquement. Et puis, j'ai rencontré Higelin à la fin de sa vie et j'ai assisté un jour à un dîner où, à la fin de ce dîner, il s'est mis au piano et il a chanté Champagne en boucle pendant une heure. J'étais complètement fasciné, c'était dingue. Après, j'ai assisté à une autre soirée qui a fini exactement pareil. Je me suis dit, tiens, serait-ce systématique? Mais en tout cas, je crois que cette chanson est très importante dans ma vie et dans la sienne aussi. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels voir le diable à ses trousses. Valet volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage et vous pages pervers, courez aussi nécrophages. Que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, les souffles des rosiers noirs, près de la mare aux oubliettes, venez nous faire obligatoire. Follet, elfe faune et farfadet, c'est Fred mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous a marqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de l'ubérique vestale, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Envoie satyre joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. Qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques. Il ne se dressait d'un bond dans un concert de jurons, disant d'un ton pathétique que l'état des obscènes cyniques et corrompus passe grief de leur peine. Quel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Alors c'était Jacques Higelin, Champagne, ici. Ici, Albin de la Simone fait sa playlist. Je voudrais vous parler d'un autre héros de jeunesse. J'ai été fan de Téléphone, j'ai été fan de rock. Et un jour, des années après, alors que je ne faisais quasiment plus que du jazz et de la musique africaine, j'ai reçu un coup de téléphone. Allô, c'est Jean-Louis Aubert. J'ai cru à une blague. Et Jean-Louis Aubert voulait me proposer de travailler avec lui sur son prochain album et qu'on se rencontre. Et pour qu'on se rencontre, me proposait de venir faire des séances d'improvisation musicale chez lui avec un autre pote qui était Fabrice Moreau, batteur. Et on a passé 6 mois à improviser de la musique et à s'éclater vraiment, mais à faire vraiment des choses complètement abstraites. Et de fil en aiguille, Jean-Louis nous a amené des accords d'une chanson. Il se mettait à chanter un petit peu, à fredonner. Et en fait, lui, il savait où il allait. Il allait vers un album qu'on a fini peut-être un an plus tard, en resserrant nos improvisations et en les amenant à des choses plus concrètes. Il a amené les textes, il a amené les mélodies. Puis voilà, c'est devenu des chansons. Et cette chanson-là est très emblématique de cet album. Alors cet album s'appelle « Comme un accord ». Il est sorti peut-être en 2002. Et la chanson, c'est « Alter Ego. Et maintenant, quand je l'écoute, j'y ai énormément de souvenirs de ces 6 mois, 1 an passés avec Jean-Louis, de toutes ces improvisations, et puis de tous les instruments que j'ai joués dans la chanson. J'ai joué des claviers, des guitares, j'ai peut-être même fait des chœurs, je sais plus. Il manque un temps à ma vie. Il manque un temps, j'ai compris. Il me manque toi, mon alter ego. Ben, je ressens toujours la même chose en écoutant cette chanson Alter Ego de Jean-Louis Aubert. Ici, vous écoutez la playlist de Albin de la Simone. Ici, maintenant, nous allons écouter une jeune artiste que j'aime beaucoup et dans une chanson à laquelle j'ai un peu... Alors voilà, je tourne un petit peu cette playlist autour de projets et de chansons auxquelles j'ai participé parce que c'est mon métier, c'est mon activité préférée et que j'aime les gens avec lesquels je travaille, donc j'ai envie de vous les faire connaître. Mélissande, elle vient de sortir un EP, son album est en cours, j'ai... jouer du piano sur la chanson qu'on entend. Vous allez entendre un piano qui fait un motif très répétitif. Ce piano, c'est un Una Corda. C'est un piano très spécifique, très particulier, que j'ai la chance de posséder et qui met tout de suite une espèce d'ambiance assez magique, je trouve, sans compter la chanson et la très belle voix de Mélissande qui chante Petite Voix. Quelle est cette petite voix tout au fond de moi qui ne m'aime pas? Je l'entends trop des fois, quand il n'y a plus rien, quand le monde s'éteint. Cette toute petite voix, ah, qui vit en moi. Cette toute petite voix, ah, est-ce que c'est moi? C'est Mélisande et c'est sa chanson Petite Voix, ici. Ici, découvrez tous les coups de cœur de Albin de la Simone. C'est sa playlist. On enchaîne, voilà, on parle d'une chanteuse très jeune. Retournons à un chanteur très vieux et à surtout des influences. Disons que si la musique était une religion, pour moi, le pape serait cet homme, Paul McCartney, qui, dans les années 2000, a fait un album absolument fabuleux que je mets dans ma discothèque à la hauteur des disques des Beatles. Cet album s'appelle Chaos and Creation in the Backyard. Il l'a fait avec le producteur Nigel Godrich, qui est le producteur des albums de Radiohead, de Beck, de plein de gens dans les années 2000 et jusqu'à maintenant. Il a mis son ego de côté. Il y a un truc dans ce disque. Il a accepté de se remettre à ce producteur, McCartney. Et ça lui a fait beaucoup de bien, je trouve. Et il a fait son plus beau disque. Et dans ce plus beau disque, il y a une de ses plus belles chansons qui ressemble beaucoup à Blackbird, à toutes les grandes chansons à la guitare de Paul McCartney. La chanson s'appelle Jenny Wren. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song. Like the other girls, Jenny Wren took wing. She could see the world and its foolish ways. How we spend our days casting love aside. C'était Paul McCartney, Jenny Wren. Ici, vous écoutez la playlist de Albin de la Simone. On continue avec une jeune artiste que vous connaissez certainement parce que cet album l'a rendue assez célèbre. L'album s'appelle Les Failles et je l'ai arrangé, réalisé avec elle. Elle s'appelle Pomme. Et cette chanson, je crois que c'est une de mes préférées. Elle s'appelle « Je sais pas danser ». On a enregistré l'album en 5 jours avec des musiciens extraordinaires. On était au studio Ferber, qui est un studio mythique. Donc on s'est installé là pendant 5 jours, peut-être 6, allez, grand max, avec Pomme et ses musiciens. Et on a enregistré ce disque qu'après j'ai un tout petit peu retravaillé à la maison, mais très peu. Donc c'est un album qui a été enregistré de façon très fraîche, très naturelle, très spontanée, très humaine, pas de machine, qui a été mixé au Québec par un ami québécois. Et ce disque, elle a eu des victoires de la musique, il était double disque de je sais pas quoi. Et j'en suis très fier et très heureux. Je sais pas danser, Pomme. Quand les lumières brûlent tout, que la nuit fière s'en fout, si tu voulais me voir, moi je préfère le noir, je ne vais pas sortir, je ne vais pas me découvrir des failles. Elle me touche, Pomme, quand elle parle de sa vie, de sa sensibilité, de tout ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je l'aime beaucoup. Et en plus, c'est une chanteuse et une artiste très forte. Ici, Albin de la Simone fait sa playlist. On enchaîne ici avec un souvenir de jeunesse vraiment très important pour moi, très fondateur. Et comme en ce moment, je sors un livre et un disque et que je pars en tournée, et tout ça tourne beaucoup autour de mon adolescence, je me sens très en retour de The Cure, qui était le groupe très fort dans mon adolescence. Et cette chanson In Between Days, qui a été un tube énorme et qui est quand même hallucinante, parce que avant que la voix ne commence, il y a 3 ou 4 introductions différentes qui s'enchaînent. Et ça, c'est vraiment très rare, un groupe qui, avant de commencer la chanson, enchaîne 4 introductions. Il n'y a que The Cure pour faire ça. Go on, go on, you'll disappear. Go on. The Cure, In Between Days, ça doit dater de 1985-6, je pense, c'est l'album de Head on the Door. Ici, Albin de la Simone fait sa playlist. On enchaîne avec une chanteuse que j'ai rencontrée assez tard, Vanessa Paradis. On s'est rencontrés dans les années 2000, autour de 2005-6, avec Mathieu Chédid qui nous a présenté pour l'enregistrement de l'album Divinidil. Mathieu Chédid a composé pas mal de chansons et il a monté autour de lui un groupe pour faire cet album et pour partir en tournée avec elle. On s'est bien entendu. Quelques années après, Vanessa m'a proposé, elle m'a dit « Si ça te dit, tu choisis deux chansons dans mon répertoire, tu les arranges, tu les réalises et on les met à l'occasion de la sortie d'un best-of. » J'ai choisi Marilyn et John et Scarabée. J'en ai fait des arrangements très très minimalistes avec quatuor à cordes, très acoustiques, avec voilà des violons, des guitares acoustiques. Et ça nous a tellement plu qu'on a fini par faire une tournée de chansons comme ça réarrangées en acoustique et un album qui s'appelle Une nuit à Versailles. C'est un album live. Ça me touche énormément. Voilà, je vous recommande cette vision de Vanessa Paradis. Marilyn et John. Marilyn, sa bouche, elle pense à John, rien qu'à John, un sourire, puis un soupir, elle fredonne une chanson, ni triste. Donc c'était cette version acoustique très douce de Marilyn et John. On ne quitte pas Vanessa Paradis, J'aimerais vous présenter, comme je lui ai présenté d'ailleurs, un chanteur que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Voyou. Quand je les ai rencontrés, ils se sont très bien entendus et de leur amitié est née une chanson. Une chanson qui s'appelle Le Bal, qu'ils ont enregistrée l'an dernier, ou qui est sortie l'an dernier, ou il y a 2 ans. Deux personnes que j'aime beaucoup, qui chantent ensemble, ben, j'aime beaucoup, j'ai envie que vous les aimiez aussi. Dans une salle sans issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ceux qui s'effacent et ceux qui resteront toujours. Ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance en quelques pas de danse, c'est vrai. J'ai flanché, genoux au sol. On a dansé sous les mains se folles. Cette salle sans issue de secours, brillant le bal me rappelle mes amours. Mon premier fil se confondra d'autres contours, qu'un coup de cil m'a fait perdre pour toujours. C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois. Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée, tourbillonne autant de beauté. J'y perdrai la tête en vol, aérée seule sous les valses folles. J'y perdrai. Soudain mes yeux se figent sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage et fend dans l'assemblée, me rejoint pour une danse à ses côtés. On a dansé des années à perdre la tête. J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes, mais souvent les valses s'essoufflent avant la fin. On est proche et pourtant bien assez loin. C'était Le Bal de Vanessa Paradis et Voyou. Et à propos de Voyou et de Pomme dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont tous les deux une très bonne amie en commun que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pyjama. Et Pyjama, elle fait des super chansons, elle fait des super livres, elle dessine super bien. C'est vraiment quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais vous faire entendre, pour terminer, sa chanson Destination l'amour. On va finir bien. C'était Pyjama. Et Pyjama, bah je, peut-être que vous êtes déjà, vous, en pyjama. Moi, oui. Et il est bientôt 21h. Je vais vous laisser. J'ai pas mal de boulot parce que ces jours-ci sortent coup sur coup un livre. Je publie un livre qui s'appelle Mes battements chez Actes Sud. Un album qui s'appelle Toi là-bas chez Tôt ou Tard. Et je pars en tournée pour l'année. Je vais d'ailleurs, je vais un peu partout et je serai le 19 mai, par exemple, au Théâtre de l'Atelier à Paris. Une tournée où je serai tout seul et je vais chanter et dessiner. Et je vais raconter des trucs aussi, parce que dans mon livre, je publie des dessins et des textes où je raconte des tas de souvenirs. Dans mon album, je chante des chansons qui sont des reprises de moi ou d'autres gens, mais qui sont aussi liées à des tas de souvenirs, liées à mon livre, liées à mon concert, liées... Enfin bon, voilà, je sais pas si vous avez compris, moi pas. Mais voilà, je vous invite donc à tout ça cette année avec moi. Voilà, merci, à bientôt. Je suis père et fils, et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? Prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années, et après on voit. Les 100 prochaines années, je te verrai bien les 100 prochaines années. Et après, on voit. À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie. Une santé plus fragile. Des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org. C'est le retour de Bretzel et Beurre Salé, vos romans bretons préférés. Ça chauffe au village de Locmaria. Entre les élections municipales, le tournage d'un film et le meurtre de la pharmacienne qui jouait les stars de cinéma, c'est la panique générale. Bretzel et Beurre Salé, une savoureuse enquête à la mode bretonne, signée Margot et Jean Lemoyle, aux éditions Calman Lévy. Ici, ICI. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 21h. Ici, le Crédit Mutuel donne le la à la musique.

pression dans les bars. Les gens de ces manies. Décalcomanie. 7h du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banilons qui filent sur un dendron. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu glacé. Ils me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas. Sous mes pieds, il y a la terre. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajots et pas de taxi. Les chats qui se tapent, leurs petits ronrons. Les éminents, des petits bateaux. Pour de la chapelle, je me sens pas belle. Mes bigoudis sont plus en pli. Mon studio, j'aspirateur. Ma vidéo me fait un peu peur. J'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Sur ce lit de mes doigts bleus froissés, c'est l'insoumis, son nez cassé. Je perds la tête de mes cigarettes, sans doute fumée dans le cendrier. C'est pas du Kleenex et du Dévi. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. Pas dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Et claque, fais le verre en tombant sur les nœuds. Je me coupe la main, ramassant les morceaux. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need

100% Let's Dance. Let's Dance. Ici. Ici, tous les samedis soirs. beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, even after all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is samedi soir, 100% Let's Dance. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be. Samedi soir, le programmateur a carte blanche. 100% Let's Dance. 100% Let's Dance. You're my dear. They're over. You're Ici. Ici. Ici, le samedi soir, 100% Let's Dance. Radio locale France Bleu devient ici. Ici, parce que c'est la radio qui parle d'ici, de mes voisins, de ma région. Ici, c'est mon village, c'est ma vie quotidienne. Ici, une radio qui vit à vos côtés, jour après jour. Quand j'écoute ici, au moins je sais où je suis. Vous écoutez ici. Ici, le média qui vit comme nous. Comme nous. Ici. Ici, le samedi soir, le programmateur à carte blanche. 100% Let's Dance. 100% Let's Dance. Oh, Ici, le Crédit Mutuel donne le la à la musique. Ici, ICI. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 22h. Let's Dance. Let's Dance. Ici. Ici, tous les samedis soirs. Every time you come around, you know I can't say. Just won't hide. 100% Let's Dance. Let's Dance. Ici. Ici, tous les samedis soirs. Share your dollar with me. Go ahead, share. Ici. Ici. Ici, le samedi soir. Le programmateur à carte blanche. 100% Let's Dance. A fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in. Spray coming for your flesh and your bones. Inside, in between. I'm playing contract, never not alone. No time left for me. Land and space, all the words, freedom over, but your bitch is drowning in. Inside out, keep it brief, keep it over. Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Instant karma shifting shapes in the shadow. Stand inside the lines. Lost all trace of the life that you borrowed. Lost all sense of time. A cheap tricks, just kicks, just to keep it steady. Severed at the roots. Silence rules when your heart's feeling heavy. Silence tells the truth. When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag. Never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in. Y'all and sing it for me. Car wash, woo, woo, woo. Car wash, yeah. 100% Let's Dance. Let's Dance. Ici. Ici, tous les samedis soirs. DJ le samedi soir. C'est nos limites sur les pépites. 100% Let's Dance. Let's Dance. Ici, tous les samedis soirs. I'm begging you now, it's where we both to be. Everybody. you ready or not, it's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on. Are you ready or not, it's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm begging you now, it's where we want to be. Everybody's dancing and everybody's. Yeah. 100% Let's Dance. Let's Dance. Ici. Ici, tous les samedis soirs. Ici, ici, ici, le samedi soir, 100% Let's Dance. If you get the notion, you can't stop the group, 'cause you just won't move. Got my sunroof down. Got my diamond in the back. Put on your shaggy ring. Dimanche soir, ça rock à tout va. Montez le son. Vous écoutez ici 100% classique rock. 100% classique rock, ici, tous les dimanches, dès 21h. Ici, le samedi soir, 100% Let's Dance. Let's Dance. Pour le DJ, c'est nos limites sur les pépites. C'est 100% Let's Dance. See, I couldn't look no better. Girl, I'm at my feet. fact, that's a fact. Take a part of me, you know it couldn't feel no better. Make sure that you breathe before you break your back or get a heart attack.